23h pétante, quel rappeur est chaud, m'a été classique volume 2, j'ai le code pour tout baisser, je reviens plus chaud, l'auditeur se lamente, je suis plus fort qu'hier alors, stop ou encore, fais-toi livrer des couilles, en direct de Bangkok, demande à Tony, j'ai l'inspire sans avoir de coque, j'ai tellement de fouf, j'ai tellement à la cote, je me la raconte pas salope, c'est toi qui boycotte. Le trône est en or, tout ce que je fais se transforme, les transforme. Quand je pose ma gueule, ça performe. J'ouvre la mer en deux, je suis comme Moïse. On me voit arriver de loin, je suis l'MC astéroïde. Les missiles feux, je suis pire que Tchernobyl. T'as boycotté Mars, donc tu vas prendre cher débile. Ma gueule, mon équipe est en red skin. La tienne place des bourlos à faire les mesquines. Arneux, meurtrier, dangereux, d'état, N.A. 2, 6, pas comme eux, c'est que j'fous le feu, rap game, c'est le jeu, rageux, rageux, rap fou, heureux, Arneux, meurtrier, dangereux, d'état, N.A. 2, 6, pas comme eux, c'est que j'fous le feu, rap game, c'est le jeu, rap fou, rageux, rap fou, heureux, pas de tasse dans mes clips, qui sont excités. J'baisse pas le rap, les skins à